Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le musée de la Révolution coréenne réaménagé. Il a été accompagné de Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et vice-président du Comité central du Parti, de Kim Ki-nam, membre du bureau politique du Comité central du Parti du Travail de Corée, membre du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et vice-président du Comité central du Parti, de Kim Jong-im, directrice de l'Institut de l'Histoire du Parti près le Comité central du Parti du Travail de Corée, de Cho Young-won, chef adjoint de département du Comité central du Parti du Travail de Corée, de Yoo Sung-han, directeur adjoint de l'Institut de l'Histoire du Parti près le Comité central du Parti du Travail de Corée, et de Ma Won-chun, directeur de plan du Comité des Affaires d'État. En faisant le tour de divers endroits du musée, il s'est enquis en détail de l'état de son réaménagement. Devant les photos des grands hommes Paektusan, les données et objets historiques dans les salles, il a exprimé de la satisfaction en disant que l'on a bien structuré les étalages pour montrer nettement et de façon intuitive l'histoire révolutionnaire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il par contenu et par ordre chronologique, et que tout lui plaît à partir de la forme d'exposition jusqu'à l'effet d'éclairage et de continuer. Le musée de la Révolution coréenne est réaménagé merveilleusement et cela est un grand événement historique. Ce musée qui synthétise tout le processus de la Révolution coréenne montre d'un bout à l'autre l'histoire révolutionnaire du président et du général. La visite au musée permet de bien connaître le trajet de développement de la Révolution coréenne et il montre exactement la voie à suivre. Guide idéologique et spirituel et phare de l'homme militaire et civil, le musée de la Révolution coréenne est le premier trésor du pays et le manuel de la Révolution. Ouvrir l'apogée de l'éducation dans les traditions révolutionnaires est la volonté immuable de notre parti. Le renforcement de l'éducation dans les traditions révolutionnaires est aujourd'hui le problème clé lié à l'issue de la Révolution. Le dirigeant suprême a relevé la grande importance de la mission du musée de la Révolution coréenne et donné les instructions qui serviront de guide dans son entretien et gestion. Il a rencontré en personne l'ancienne combattante révolutionnaire anti-japonaise Fang Sun-hee, directrice du musée, s'est inquiétée de sa santé et engagé un entretien cordial. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a exprimé l'attente et la conviction que les cadres et conférencières du musée de la Révolution coréenne s'acquitteront à merveille de leurs missions et devoirs glorieux chargés devant l'époque et la Révolution avant de se faire photographier en souvenir avec eux.